يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions, et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes celle d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah, et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée, et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, Allah Azza wa Jal a dit dans son noble livre « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Je n'ai créé les djinns, des créatures invisibles, et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance, ni non plus qu'ils me nourrissent. Allah a donc créé les hommes pour qu'ils l'adorent, et il leur a imposé son obéissance. Et l'ensemble des messagers d'Allah, ainsi que ses livres saints, n'ont été envoyés que dans cet unique but. Il s'agit donc là de l'affaire la plus importante que l'être humain puisse étudier et comprendre, et aussi celle qui mérite le plus de partir à sa recherche et de voyager pour sa cause et son acquisition. فَلَوْلَا نَفَرًا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Pourquoi n'y aurait-il pas des gens de chaque communauté qui iraient apprendre et étudier leur religion, pour qu'à leur retour, ils puissent avertir leur peuple et afin qu'ils prennent garde. Ainsi, celui qui ne prête pas attention à ce sujet, qu'il sache qu'Allah Azza wa Jalla a identifié les communautés qui négligeaient la religion d'Allah, sa compréhension et le voyage dans sa quête à des bestiaux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ » لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Nous avons certes destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, et ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas, et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Et le sujet le plus important à propos duquel l'homme se doit de s'instruire est celui pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé, à savoir l'adoration d'Allah Azza wa Jalla et son unicité. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah wa staghfir li dhammik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. » Sache donc qu'en réalité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît parfaitement vos activités et vos déplacements sur terre, de même que votre lieu de repos dans l'au-delà. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit dans son recueil de récits authentiques, chapitre « La science précède la parole et l'acte ». Cela prouve qu'une œuvre pieuse n'est valable et acceptée de la personne qui l'a accomplie qu'uniquement après l'avoir nécessairement apprise, et qui ne peut être excusée pour cause d'ignorance. Cela implique donc que l'homme doit apprendre la signification du tawhid, le fait d'unifier Allah Azza wa Jalla dans son adoration, afin de ne pas tomber dans le shirk, le polythéisme. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Certes, quiconque associe à Allah d'autres divinités dans son adoration, Allah lui interdira l'entrée au paradis, et son refuge sera le feu de l'enfer, et pour les injustes, pas de secoureur. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne certainement pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Ainsi, à part le shirk, le fait de vouer le culte à autre qu'Allah Azza wa Jalla, Allah pardonne à qui il veut. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Donc ne lui donnez pas des égaux, alors que vous savez qu'il n'en a pas. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Et quiconque donne des associés à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Il est ainsi nécessaire à l'homme que toutes ses paroles et toutes ses actions soient fondées et construites sur la réformation de sa croyance et de la compréhension de la shahada, la ilaha illallah, l'attestation de foi qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée excepté Allah tabaraka wa ta'ala. Car la juste compréhension de cette parole et la mise en application correcte de ce qu'elle implique comme faits et gestes permettent de bien fonder ses œuvres. Par contre, s'il ignore le sens de cette parole et qu'il ne met pas en application ce qu'elle engendre comme action et qu'elle demande, c'est comme s'il avait construit ses fondations au bord d'une falaise croulante et que celle-ci croulait avec lui dans le feu de l'enfer. Voilà donc les bases de la religion. Et dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après Ibn Umar radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam a été bâti sur 5 piliers: la shahada, la ilaha illallah wa muhammadun rasulullah, la profession de foi qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée excepté Allah azza wa jalla et que Muhammad est son messager, l'accomplissement de la salat, la prière, l'acquittement de la zakah, l'aumône obligatoire, le hajj, le pèlerinage à Mecca, la Mecque, et le jeûne du mois de Ramadan. Et la première de ces bâtisses sur laquelle se construit et repose tout le reste est la shahad, la ilaha illallah wa muhammadun rasulullah. Voilà donc la base de la religion. Et personne n'entre dans l'islam sans elle, c'est-à-dire sans prononcer la shahad, car c'est elle qui permet d'entrer dans l'islam. Et elle est la parole de la sincérité. Il a en effet été authentiquement rapporté, d'après le récit de Rabi'at ibn Abbad radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait dans les marchés de Dhulmajan et Dhulmajaz et Iqab et disait: ô vous les gens, dites la ilaha illallah, vous réussirez certainement. C'est-à-dire qu'ils entreront dans l'islam en la prononçant. Et celui qui se convertira à l'islam aura certainement réussi, comme cela a été rapporté dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: a certes réussi celui qui sera entré dans l'islam et qui se sera contenté de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui aura attribué comme subsistance. Voilà donc le chemin qui conduit à la véritable réussite. Et cette porte qui mène au succès sera donc fermée à quiconque n'aura pas prononcé cette parole, à savoir la ilaha illallah, ni ne l'aura concrétisée. Parfaitement, elle lui sera fermée et il n'entrera dans l'islam que par son bien. Car elle est la parole de la sincérité, comme cela a été établi d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait: lorsqu'il se réveillait le matin, je me suis réveillé le matin selon la tursaine, quel islam, et la parole de la sincérité, et la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celle d'Ibrahim, Abraham, qui était muslim et ne vouait le culte qu'à Allah et ne faisait pas partie des polythéistes. Et la shahada est la parole de la piété. Et il est impossible à quiconque de concrétiser la crainte d'Allah Azza wa Jalla ou d'être véritablement pieux tout en pratiquant le shirk, l'associationnisme. Il en est ainsi: celui qui associe quelqu'un ou quelque chose à Allah dans les actes d'adoration qui lui vouent n'a pas de crainte pieuse envers Allah, et qu'importe ce qu'il aura prétendu ou déclaré, il n'aura aucunement fait preuve de piété dans l'adoration qu'il aura prétendu vouer exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qadibna ila ma amilu min عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré ce qu'ils accomplissaient comme œuvre, c'est-à-dire les polythéistes, puis nous les avons réduits en poussière éparpillée. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient accompli eût certainement été vain. Quand bien même il aurait prié toute la nuit et aurait jeûné la journée, et qu'il aurait également fait don de tous ses biens et aurait dépensé tout son argent dans des œuvres de bienfaisance, et qu'il se serait voué corps et âme dans l'accomplissement de bonnes actions, mais qu'il n'aurait pas concrétisé cette parole, c'est-à-dire la shahad, alors il ne sera pas considéré comme une personne pieuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et n'aura pas fait preuve de crainte envers lui. Car la crainte pieuse est fondée sur le tawhid d'Allah, le fait de ne vouer et le culte qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, et sur la parole de la sincérité, la ilaha illallah. Et il a été établi, d'après le récit de Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la parole de la sincérité est la ilaha illallah. Et ceci explique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha. Et Allah les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. C'est ainsi qu'Allah fit les éloges de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons ridwanullahi alayhim, qu'ils étaient les plus en droit d'être assimilés à elle, c'est-à-dire la shahada, et qu'ils en étaient les plus fervents défenseurs. Et effectivement, ils en sont les plus dignes et les plus proches. وَجَعَلْنَاهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et il en fit une parole qui se perpétua parmi sa descendance, afin que peut-être ils reviendront. Les prophètes d'Allah, ses messagers et tous ceux qui les suivent et qui sont sur leur trace sont les gens les plus proches de cette parole et les plus en droit aussi. Ils ne l'oublient pas, ne la négligent pas et ils ne s'endorment pas quant à appeler et inviter les gens à elle. Et c'était là la fonction même des envoyés d'Allah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله. Et rappelle-toi le frère du peuple Ad, le prophète Hud, quand il avertit son peuple à Al-Ahqaf, alors que des avertisseurs, c'est-à-dire des messagers, étaient passés avant lui et après lui en disant n'adorez qu'Allah seul. Allah لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence et ni sommeil ne le saisissent. En réalité, il n'existe pas de divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà en quoi consistait la da'wa des messagers, c'est-à-dire leur prédication. Donc quiconque aura emprunté ce chemin aura alors suivi leurs traces. La parole de la sincérité. Il n'y a pas de crainte pieuse sans elle. Et qu'importe ce que l'individu déclare ou prétend en manière de piété, car s'il faillit au niveau du tawhid d'Allah, il aura par conséquent failli au niveau de la base même de la religion. Et par conséquent, à tous les niveaux. Car toute déclaration nécessite l'apport de preuves. Il n'y a ainsi pas de concrétisation de la sincérité, ni de concrétisation de la crainte pieuse, ni même de concrétisation de l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, si ce n'est par l'édification de cette base et le fait de s'y maintenir. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى التَّقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Est-ce que celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah est plus méritant, ou bien est-ce celui qui a fondé sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer? Et Allah ne guide pas les gens injustes. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur jusqu'à ce que leur cœur se déchire, et Allah est omniscient et sage. Ces gens, les hypocrites de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient bâti une mosquée soi-disant pour les temps pluvieux et pour les pauvres, et pour d'autres prétendues autres raisons qu'ils avaient avancées, ils ne l'avaient en réalité pas fait par piété, ni par sincérité ou confirmation certaine de leur foi envers Allah azza wa jalla. Par conséquent, cette construction ne fut édifiée qu'à leur propre détriment et fut donc vouée à s'écrouler. Et c'est aussi la parole de la preuve. Donc quiconque ne concrétise pas cette parole n'aura aucun argument en sa faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'intercédera pas pour lui le jour de la résurrection. Il a ainsi été rapporté dans les deux recueils du récit authentique d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après Saïd ibn al-Musayyib, d'après son père, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son oncle, qui était sur le point de mourir, « Oh mon oncle, Dis la ilaha illallah. C'est une parole pour laquelle, si tu la prononces, j'intercéderai en ta faveur auprès d'Allah. Donc celui qui réalise cette parole, elle sera pour lui un argument le jour de la résurrection, et aussi une énorme récompense. Et il sera également raffermi lors du questionnement dans la tombe. Il s'agit d'une parole. Quiconque l'aura accomplie et perfectionnée sera heureux sur terre et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je doutais fortement, ô Abu Huraira. Et il dit cela lorsque ce dernier lui avait dit: ô messager d'Allah, informe-moi de la personne qui se réjouira de plus de ton intercession. Il dit ainsi: je doutais fortement, ô Abu Huraira, que personne ne m'interrogera à ce sujet avant toi, sachant ta motivation pour la science. Donc celui qui donne de l'attention au tawhid, cela démontre de sa part l'intérêt qu'il porte pour la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: la personne qui se réjouira le plus de mon intercession le jour de la résurrection est celle qui aura dit la ilaha illallah le plus sincèrement avec son cœur. Tu ne seras pas lié avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt tu resteras coupé de lui, retranché, délaissé, abandonné, écarté d'Allah tabaraka wa ta'ala, tant que tu ne te seras pas fermement attaché à lui à travers le tawhid, c'est-à-dire le fait de l'unifier dans son adoration. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ô vous les croyants, craignez Allah et recherchez le moyen de vous rapprocher de lui et lutter pour sa cause, peut-être réussirez-vous. Et le plus grand lien que tu puisses avoir avec Allah tabaraka wa ta'ala est le fait de concrétiser son monothéisme subhanahu wa ta'ala, comme cela a été établi dans le récit d'Abu Shuraih radiallahu anhu, rapporté par Abd ibn Humayd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour sorti vers eux et a dit: réjouissez-vous, n'attestez-vous donc pas que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah? Ils répondirent: bien sûr que si. C'est-à-dire les compagnons. Il leur dit alors: certes, ce Coran est une corde. L'un de ses bouts est dans la main d'Allah, tandis que l'autre est dans vos mains. Alors accrochez-vous-y fermement, car vous ne vous égarerez jamais, et vous ne vous perdrez point après moi, tant que vous y resterez fermement attachés. Cette cause ne sera donc utile que pour celui qui l'aura bâti sur des bases solides. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les interrogea avant tout au sujet de la parole la ilaha illallah. Puis lorsqu'il lui avait répondu, bien que le prophète connaissait leur réponse, mais il ne voulait par cette question qu'une confirmation de leur part, il leur annonça la bonne nouvelle que le Coran sera profitable à quiconque aura concrétisé le tawhid d'Allah azza wa jalla, et qu'il sera une cause pour lui, c'est-à-dire une corde le liant à Allah, dont l'une des extrémités est dans la main d'Allah, tandis que l'autre se trouvent dans les leurs. Ils seront ainsi préservés de l'égarement et de la perte, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: vous ne vous égarerez jamais et vous ne vous perdrez point après moi, tant que vous y resterez fermement attachés. Et du même ordre, le récit de Jundub ibn Abdillah radiallahu anhu, qui a dit: nous allions voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous étions adolescents. Nous avons ainsi appris de lui en premier lieu la foi. Puis il nous enseigna le Coran et ceci fit augmenter notre foi. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un venait à lui, il lui enseignait la foi et le tawhid en lui disant: dis la ilaha illallah, car ceci permet d'accéder à la foi et c'est aussi son fondement. Et nul ne goûte à la foi correcte, religieusement agréée, sans elle. Ainsi, lorsque quelqu'un venait à lui, venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui enseignait la foi et il lui enseignait également ce qui s'apparente à la foi, comme le prouve le récit de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, ainsi que celui d'Ibn Abbas radiallahu anhu au sujet de la communauté de Abd al-Qais, et aussi celui concernant l'homme qui vint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, je suis venu t'interroger sur ma religion car je ne connais rien de ma religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigna ainsi sa religion, celle de la parole de la sincérité. Ô vous les gens, cette parole est très importante. Kalimatul ikhlas, la parole de la sincérité. Kalimatul tawhid, la parole du monothéisme. Kalimatul taqwa, la parole de la crainte pieuse. C'est une parole grandiose qui implique et nécessite d'être concrétisée et de fournir beaucoup d'efforts et de la persévérance pour s'y maintenir. Car personne ne s'y maintiendra excepté celui qu'Allah Azza wa Jalla aura maintenu par son soutien. Donc quiconque aura concrétisé cette parole avec sincérité et mis en application tout ce qu'elle implique comme parole et action selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme il l'agrée, nul doute alors que cela lui sera profitable et bénéfique dans sa vie d'ici-bas. Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adah. Il s'agit là d'une promesse d'Allah et Allah ne manque jamais à sa promesse. Parfaitement, Allah ne manque jamais à sa promesse. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah a affermi les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans celle de l'au-delà. Donc si tu auras vu quelqu'un dont la langue est accrochée au rappel d'Allah et à son invocation et qui s'éloigne de la médisance et du mensonge et qui ne dit que des bonnes paroles et qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, qui récite beaucoup le Coran et qui est également assidu dans la pratique de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne sort de sa bouche que le bien, sache alors que tout cela ne résulte que de la réalisation du tawhid et de son perfectionnement sur sa propre personne. Donc celui qui se sera maintenu dans la pratique de la religion d'Allah Azza wa Jalla à travers la parole juste et ferme et qu'il aura concrétisé cette parole, c'est-à-dire La ilaha illallah, alors Allah le soutiendra afin de s'y maintenir et il deviendra alors tenace dans la véracité. Et c'est pour cette raison que tu constates que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le reste des prophètes persévéraient avec force et ténacité dans le fait de ne dire que la vérité et de s'y maintenir, et également dans l'accomplissement de tout le bien. Et tout cela ne découlait que d'un tawhid juste et correct. Il en est ainsi. Le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui l'accomplit et l'aura perfectionné, aura en réalité accompli tout le bien. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans celle de l'au-delà. Voilà les fruits du tawhid, les fruits du perfectionnement de l'unité d'Allah Azza wa Jalla dans son adoration. Ya qawmi in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah fa ala Allah tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaa'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghumma thumma qdu ilayya wa la tundirun fa in tawallaytum fa ma sa'altukum min ajr in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna min al muslimin. Nuh, Noé, dites à son peuple, ô mon peuple, si ma présence parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous sont lourds, sachez alors que c'est en Allah que je place ma confiance. Rassemblez-vous donc et concertez-vous avec vos associés et ne dissimulez pas vos stratagèmes, puis décidez de mon sort et ne me donnez point de répit, car si vous vous détournez, sachez que je ne vous ai demandé aucun salaire, ma rétribution n'incombe qu'à Allah et il m'a été commandé d'être du nombre des muslimouns. Tout cela dans l'unique but de les appeler à la réalisation du tawhid. Wa ya qawmi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi 'ilm wa ana ad'ukum ila al-'aziz al-ghaffar la jarama. Ô mon peuple, qu'ai-je comme profit à vous appeler à la préservation du châtiment, tandis que vous m'appelez au feu de l'enfer? Vous m'invitez à mécroire en Allah et à lui donner des associés dont je n'ai aucun savoir, alors que moi, je vous appelle au Tout-Puissant, au Grand Pardonneur, nul doute. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute concernant cette affaire. La jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wa la fil akhirah. Nul doute que l'invocation de ce à quoi vous m'appelez ne sera jamais exaucé ni ici-bas ni dans l'au-delà. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui aura été apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, les compagnons du prophète, alors nous le délaisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وإنما ردنا إلى الله وإن المسرفين هم أصحاب النار. Nul doute que l'invocation de ce à quoi vous m'appelez ne sera jamais exaucée ni ici-bas ni dans l'au-delà, et c'est vers Allah qu'est notre retour, et les outranciers, ce sont eux les gens du feu de l'enfer. Et il faudrait bien plus de temps pour raconter l'histoire des prophètes, vu tout ce qui s'est passé comme événements qui ont fondé la religion. Et regarde l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, Abraham, quand il fit face à son peuple, obtus, aveugles et muets, à cause de leur pratique du shirk, l'adoration des statues. Uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kayda faj'alnahum al-akhsarin. Ibrahim dit à son peuple: fille de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous donc pas? Ils dirent alors: brûlez-le donc et secourez vos divinités si vous êtes vraiment de ceux qui agissent. Nous dîmes: ô feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur salutaire, ils voulaient ainsi ruser contre lui, mais nous les rendîmes, eux, les plus grands perdants. Voilà le tawhid d'Allah. Inna Ibrahim kana umma قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Ibrahim était une communauté à lui tout seul. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des polythéistes. Il était reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits, et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Tout cela est le fruit de la réalisation de l'unification d'Allah Azza wa Jal, le raffermissement extrême. Celui donc qui perfectionnera son tawhid, Allah l'établira fermement dans sa vie mondaine et aussi dans sa vie future. Les deux savants, Al-Bukhari et Muslim, ont rapporté d'après Al-Bara ibn Azb radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant, lorsqu'il sera interrogé dans sa tombe, il dira: j'atteste qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est son messager. Référence faite à la parole d'Allah: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah a affermi les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans celle de l'au-delà. Il est accroché au tawhid dans la vie de ce bas monde et il le sera également dans sa tombe. Ainsi, Allah Azza wa Jalla raffermira le monothéiste dans sa tombe sans ressentir la moindre peur, comme cela a été rapporté dans le récit d'Al-Bara précédemment cité. Lorsque le monothéiste sera interrogé par les deux anges dans sa tombe, il répondra en toute quiétude: Allah est mon Seigneur, Mohammed est mon prophète et l'islam est ma religion. Des réponses fermes, sans la moindre frayeur ni embrouillement. C'est là certes le résultat de l'accomplissement du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah a affermi les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans celle de l'au-delà. Et regarde les autres qui ne se seront pas maintenus dans la pratique du tawhid, comme Allah les perdra et les délaissera. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Tandis qu'Allah égare les injustes et il fait ce qu'il veut. Et l'injustice a pour sens ici le shirk, le polythéisme. Inna shirk la zulmun 'azim. Le polythéisme est vraiment une énorme injustice. Ainsi, Allah l'égarera dans la dunya et fera en sorte que ses paroles soient incohérentes, de même que ses actions seront irréfléchies. Et il ne sera pas non plus orienté vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni ne s'y maintiendra jusqu'à ce qu'il rencontrera Allah égaré. Allah subhanahu wa ta'ala l'égarera alors dans l'au-delà. Cette parole est certes une parole grandiose, et il a été établi dans le récit de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, d'après Ahmed dans son Musnad, qu'un homme est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam portant un manteau boutonné d'étoffe de soie et dit: votre compagnon, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que voici, voudrait rabaisser tel et tel gens et voudrait élever tel et tel autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarda alors et le tenut par son manteau, puis lui dit: je vois en toi l'habit de celui qui ne raisonne pas. Certes, Nuh a dit à son fils avant de mourir: je vais t'informer de mes dernières recommandations. Je te commande deux choses et je te mets en garde contre deux choses. Je te commande la parole la ilaha illallah. Car si les sept cieux et les sept terres étaient posés sur l'un des deux plateaux d'une balance et que la parole la ilaha illallah était posée sur l'autre plateau, alors la parole la ilaha illallah aura été assurément plus lourde. Et je te commande les paroles subhanallah et alhamdulillah lillah, gloire à Allah, et toutes les louanges sont à Allah, car elles sont l'invocation par excellence. Et c'est par leur cause qu'est accordée aux créatures leur subsistance. Et je te mets en garde contre le shirk et l'orgueil. C'était là un bel enseignement donné à ce bédouin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui démontra ainsi que ce n'était pas de cette façon que les gens étaient élevés et rabaissés. Un tel élève et un autre rabaisse, un tel tombe et un autre se dresse, aucunement. Ce n'était pas par cette cause. Personne ne fait tomber personne et personne n'élève personne, ni non plus n'honore et ne rabaisse. Cette affaire ne revient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala seul. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dis au Seigneur, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu l'arraches de qui tu veux et tu honores qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est dans ta main et tu es omnipotent. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: je ne suis que celui qui partage, tandis que c'est Allah qui donne. Et il a également dit: ô Seigneur, personne ne peut priver de ce que tu donnes et personne ne peut donner ce dont tu prives. Et la richesse d'une riche personne ne lui sera d'aucune utilité face à toi. C'était donc une formidable leçon donnée à ce bédouin, que cet honneur qu'il avait évoqué n'était que la résultante de l'accomplissement du monothéisme pur, à savoir cette parole que Nuh sallallahu alayhi wa sallam avait recommandée à son fils, celle qui, si elle était pesée avec les cieux et les terres, elle aurait été certainement plus lourde. Donc quiconque l'aura concrétisé aura concrétisé en réalité un bonheur immense dans ce bas monde et dans la vie future. Et celui qui l'aura accompli aura en réalité accompli pour son compte une grande victoire dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Donc si tu souhaites être considéré et honoré, voilà comment y arriver. Il s'agissait donc là d'un remarquable enseignement donné à ce bédouin, ainsi qu'à quiconque aura médité sur ce récit grandiose. Pareil à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux, et il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, toutes les louanges sont à Allah, nombreuses, bonnes et bénies, comme notre Seigneur aime et agrée. Seigneur, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, comme tu as prié sur la famille d'Ibrahim, car tu es vraiment celui qui mérite exclusivement d'être loué et exalté. Et bénis Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as béni la famille d'Ibrahim, car tu es vraiment celui qui mérite exclusivement d'être loué et exalté, ceci étant dit. Et du même ordre que le précédent récit, qui démontre les mérites de cette formidable parole, et notamment concernant son impact sans pareil sur l'expiation des péchés, et qu'elle en est même la plus grande cause, et que c'est grâce à elle que les gens seront préservés du châtiment éternel d'Allah Azza wa Jalla. Il y a le récit de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, rapporté par At-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala préservera le jour de la résurrection un homme aux yeux de l'humanité tout entière. Ce sera là un rassemblement et un témoignage grandiose, car l'humanité commence à partir de Adam et se termine avec les derniers hommes présents lors de la fin des temps. Et ce récit n'est pas spécifique à un seul homme, mais plutôt à une catégorie de gens qui seront tous dans le même cas. Il dit ainsi: aux yeux de l'humanité tout entière, on étendra devant lui 99 registres. Chacun de ces registres s'étendra à perte de vue. Ces registres seront remplis de péchés, des péchés qui y seront inscrits. Puis il lui sera dit: mes anges, affectés au recensement de tes actions, ont-ils été injustes envers toi? Il dira non. Et il lui sera dit, as-tu une excuse? Il dira non. Puis il lui sera dit, as-tu une bonne œuvre à présenter? Il dira non. Il lui sera alors dit, bien sûr que si, tu as auprès de nous une bonne action, et tu ne seras point lésé. On apportera alors une carte sur laquelle il sera inscrit La ilaha illallah. Puis on posera cette carte sur l'un des deux plateaux de la balance, avec laquelle les œuvres seront pesées et les registres seront posés sur l'autre plateau. Ces derniers seront alors éjectés en l'air du fait de la lourdeur de la carte, et rien n'est plus lourd sur la balance que le nom d'Allah. Le tawhid d'Allah est donc la chose qui pèsera le plus lourd sur la balance des actions le jour du jugement dernier. Comme le montre le récit rapporté par le berger du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Salma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bakhin, bakhin, quelle lourde parole sur la balance, alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah, et subhanallah, gloire à Allah, et la ilaha illallah, nulle divinité si ce n'est Allah, et Allahu Akbar, Allah est le plus grand, de même qu'une personne qui aura fait preuve de patience lors du décès de son enfant. » Et cette parole est aussi la pépinière du paradis. Et elle est aussi le premier et le dernier ordre. Il en est ainsi. C'est pour cela qu'il faut que le musulman donne à sa religion sa véritable importance et qu'il commence par le plus important. Et il a ainsi été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques, d'après Ibn Abbas radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il envoya Mu'adh radiallahu anhu au Yémen afin d'appeler les gens à l'islam, là-bas, tu feras face à des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Donc la première chose à laquelle tu les appelleras sera qu'ils disent « La ilaha illallah ». Puis s'ils t'obéissent, informe-les qu'Allah leur a imposé 5 prières quotidiennes. C'est-à-dire que la prière et le reste des rites islamiques ne s'accomplissent qu'après l'établissement de cette base, à savoir le tawhid d'Allah, tabaraka wa ta'ala, assimilé à la shahada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ensuite, puis s'ils t'obéissent, informe-les qu'Allah leur a imposé une aumône qui sera prélevée de leurs riches pour être distribuée aux pauvres. Récolte ensuite leur argent et crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit, quiconque aura dit « La ilaha illallah » finira par entrer au paradis, quand bien même il aurait commis tel ou tel péché. C'est pour cette raison qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Faites prononcer aux personnes qui sont sur leur lit de mort la parole « La ilaha illallah ». Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu auprès d'un homme qui était proche de l'agonie. Et il lui dit, « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah. » Ce dernier lui répliqua, « Suis-je pour toi un oncle paternel ou maternel ?» Il lui répondit, « Plutôt maternel. » L'homme lui dit alors, « Cette parole me sera-t-elle profitable si je la prononce ?» Il lui répondit, « Oui. » L'homme la prononça alors. Et le prophète entra un jour chez un juif qui était sur le point de mourir. Il l'incita à dire « La ilaha illallah », ce que fit le juif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Louange à Allah qu'il l'a sauvé du feu de l'enfer ». Cette parole est la plus grande branche de la religion d'Allah. En effet, il a été rapporté dans les deux recueils du récit authentique d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi est composée d'entre 63 et 69 branches, et la plus haute de ces branches est la parole la ilaha illallah. Et elle est également ce qui permet d'accéder à la foi, et son fondement aussi. Parfaitement, la foi ne pénètre les cœurs que par elle. Il dit ainsi, la plus haute d'entre ses branches est la parole la ilaha illallah, et la plus basse est le fait d'écarter du chemin quelque chose qui gêne les gens. Et la pudeur fait partie de la foi. Il n'y a pas de parole ou de discours dénué de son invocation sans qu'il ne soit comme une main amputée. C'est pour cela qu'il est nécessaire de porter de l'attention au tawhid d'Allah Azza wa Jalla, au fait de ne vouer l'adoration qu'à lui seul, et que celui qui aura concrétisé l'unification d'Allah dans le culte qu'il lui voue fera partie des 70 000 personnes qui entreront au paradis sans être jugées le jour du jugement dernier, comme cela a été rapporté dans le récit d'Ibn Abbas radiallahu anhu, et aussi que celui qui aura mis en application tout ce que cette parole implique comme action sera en paix le jour de la résurrection, tandis que d'autres seront effrayés. ce qui se passe dans les pays et entre les gens, comme injustice, tyrannie, insécurité et troubles et désordre, tout cela n'est dû en réalité comment d'unification du tawhid d'Allah Azza wa Jalla, parfaitement par Allah. Tout cela n'est que la conséquence de l'affaiblissement de la concrétisation du tawhid d'Allah Azza wa Jalla par Allah. Si les gens perfectionnaient leur pratique de la religion ainsi que l'accomplissement du tawhid d'Allah Azza wa Jalla, ils seraient assurément heureux sur terre et aussi dans l'au-delà. Man amila saliha min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque aura fait une bonne œuvre, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie heureuse et nous les récompenserons certainement en fonction du meilleur de leurs actions. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et n'ont point obscurci leur foi par du shirk, l'association, ceux-là seront en sécurité et ce sont eux les bien guidés. Et du même sens que ces versets, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ce qui dit notre Seigneur est Allah et qui se tient dans le droit chemin, les anges descendent sur eux en leur disant: n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés et réjouissez-vous du paradis qui vous est promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous aurez au paradis ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Tout cela n'est le fruit que de la réalisation du tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et toutes ces calamités et ces malheurs qui s'abattent sur les gens et les pays n'est dû qu'à leur faible réalisation du tawhid et à leur manquement quant à la mise en application de ce qu'il implique comme faits et gestes, ainsi qu'à leur négligence à ce sujet. Nous demandons à Allah de nous accorder le succès et la réussite dans ce qu'il aime et agrée, et qu'il nous fasse mourir dans l'islam et la sunna, et qu'il fasse que notre dernière œuvre sera bonne. Walhamdulillahi rabbil alamin.